Le plan d'aujourd'hui, assemblage de qui? On fait les détails, le découlé, si on veut, de l'Assemblée générale de l'AGE et de Sifu Zone Campus. Et Simon Fidley nous présente sa chronique Police Dead. Assemblage requis! Je sais très bien que la phrase « on fait les détails », c'est pas vraiment une phrase, mais quand même, c'est comme ça que commence cette émission d'Assemblage requis. Bienvenue à vous. Salut Mathieu. Salut Kiwan. On peut en faire des détails si tu veux. Ouais. C'est autre chose par contre. Je sais pas c'est quoi faire des détails, mais bon. Merci Kiwan premièrement de m'avoir remplacé au palmarès C'est fou tantôt. Ben, c'est un plaisir Mathieu. C'est super gentil. Merci à toi de m'avoir remplacé. Ben, merci à vous deux en fait. Simon et toi, vous avez pris toute la place que j'ai laissée vacante hier. Oui. J'ai essayé, honnêtement, de maintenir ton standard. Au niveau de médiocrité. Médiocrité. Oh là là. Hey, en passant, c'est la fête à Mathieu Plante aujourd'hui. Ah, ben oui, c'est ça vrai. La chose importante aujourd'hui. Bonne fête, Mathieu. On fait la bascule. Oui. On est juste deux, fait que ça se peut qu'il y ait des accidents. Merci. Surtout à la grandeur qu'on a d'espace ici. Là. C'est ça. Studio minuscule, mais c'est pas grave, on l'aime et on est bien dedans. Et parlant d'être bien dans le studio, ben on va pouvoir être dans le studio librement pas mal plus longtemps. Oui. On en parlera tantôt en détail, mais quand même. Yeah. Tu veux en glisser un mot ou deux quand même, si tu veux? Ben, on peut dire officiellement là, que c'est fou et pratiquement à 99,9999999% sauvé. Comme le savon. Oui. Pur à 99,9%. Le restant, c'est des saletés. C'est ça. Mais une belle assemblée générale qui s'est terminée dans la paix et l'ordre. Et il n'y a pas eu vraiment de débordement. Non, pas tant que ça. On va recevoir tantôt Sébastien Dulude pour en parler un petit peu plus en détail de ce verdict-là de l'Assemblée générale de Sifu, Zone Campus et de la GEQTR qui avait lieu plutôt aujourd'hui au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin. Et aussi, dans l'émission aujourd'hui, il va y avoir, comme à tous les mercredis, ta chronique, Simon, ta chronique Paul Z. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, en fait? Bien, on termine le tout de John Lennon et Yoko Ono. Donc aujourd'hui, c'est la balade de John et Yoko jusqu'à sa fin. Tragique. Ouais. Parfait. Tout à l'heure dans Paul Z. Tout à fait. On va commencer ça tout de suite en musique avec un peu de Beach House, mais juste avant, la pâte rose avec la pièce « J'ai rêvé » à Assemblage requis. Je crois rêver. Non, vous ne rêvez pas. C'est la réalité, ouais. C'est ça. Et je rêve de tellement mieux que ce qu'on fait là. Non, c'était très bon. Très bonne intro. T'es pas content? Ouais, je suis content. Oh, j'espère. J'ai rêvé que tu mettais le feu à tes vêtements. Nu devant la fenêtre, l'incendie. Était si grand. Et tu criais des mots que je ne comprenais pas. Les flammes montaient jusqu'au-dessus de mon amour pour toi. Cognez Beach House avec la pièce Zebra, assemblage requis. Oui, toujours l'émission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu jusqu'à 17h. Et maintenant, on est avec Sébastien Dulude, qui est président du conseil d'administration de Cifouzon Campus. Bonjour. Salut. Bonjour. Ça fait du bien de se retrouver en studio. Oui, ça fait longtemps. T'avais une chronique ici avant. Une chronique, une émission. Là, cet hiver, je commence à ressentir le manque. Oh oui, hein? Ça vient vite, ce manque-là. Quelques absolument, semaines. Absolument. Pendant qu'on joue des fêtes, je suis déjà là. Ah, j'ai hâte de retourner ici. Ah ouais, on était là d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Donc, on est là pour parler de ce qui s'est passé dans l'Assemblée générale de l'AGA et de Cifouzon Campus aujourd'hui. Oui, c'est une date importante parce que l'année n'a pas été facile à Cifouzon Campus au niveau des finances. On s'est ramassé après toute une série de gestes de gestion. Donc, on a appris beaucoup de nos erreurs et... pas le sujet le plus joyeux, disons, mais non. Ce qui est joyeux aujourd'hui, c'est d'entendre les étudiants se prononcer unanimement comme il faut dégager des sommes pour remettre ces fous sur la bonne voie. En fait, c'est une question pour cet hiver. Là. C'est la réserve de l'hiver là, qui n'était pas disponible de la façon qu'on aurait souhaité. Et après ça, avec la suite des choses, il y a toujours un bon roulement ici, tant que les étudiants, justement, nous donnent cet appui-là. Parce qu'il faut savoir que cette radio-là est essentiellement financée par les étudiants, par leur cotisation étudiante dans la zone campus, que la radio, c'est fou. Tout à fait. Donc, les étudiants ont voté? Les étudiants ont voté, ont pris une résolution. Alors, on va chercher de l'aide auprès de l'UQTR. Et la question se posait à savoir d'où cet argent-là pourrait venir, entre autres, est-ce que ça pourrait venir du budget du service aux étudiants, comme l'UQTR en avait fait la proposition. C'est une proposition qui a mis mal à l'aise une bonne portion, enfin une portion significative de l'Assemblée, parce qu'on sait que ces budgets-là au service aux étudiants sont quand même limités à chaque année. Et donc, de tout mettre ça pour ces fous, il y avait certaines inquiétudes que d'autres activités pourraient se voir refuser un projet, même s'il l'obtenait régulièrement année après année, parce que cette année, c'est fou, avait besoin d'un coup de pouce. Donc, on a plutôt souhaité retourner par là à l'université et, c'est le reste de l'administration. On verra comment ça va avoir lieu. Là. Exactement. Mais pour l'instant, il y a un plan de sauvetage qui a été déposé et accepté par les étudiants. Donc, tout ça nous permet de terminer la session. Vous savez que la radio est rythmée au rythme des sessions universitaires, au rythme des étudiants. Donc, après ça, pouvoir entrevoir l'été et surtout l'automne prochain avec beaucoup de sérénité. Et à l'automne prochain aussi, beaucoup de projets nouveaux. Beaucoup continuent de cette lancée-là. Ça va être la première année complétée avec les émissions quotidiennes qui s'avèrent un réel succès. Et on veut continuer ça, évidemment. Absolument. Tout le monde veut le succès. Donc, c'est sûr que ça prend des capitaux pour ça. Ça prend de la disponibilité, ça prend de l'énergie et ça prend surtout un bon climat. Il faut sentir que la radio est écoutée, et portée par les étudiants. Qui sont la première clientèle visée, évidemment, mais bon, c'est des ondes, ça voyage partout. Donc, déjà, si ça rayonne à l'université, ça rayonne dans la communauté. On a toujours su que la radio était appréciée partout, mais disons qu'il y a des moments où ça fait encore plus de bien de l'entendre. Comme cet après-midi où là, ça a vraiment été confirmé, l'appui des étudiants envers la radio. Absolument. Ouais. Et c'est pas le seul changement qu'il y a, là, ça. Il y a aussi un changement de CA, donc le CA qui est revitalisé. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Changer un peu par nécessité. Parce qu'il n'était pas mort. Non, ben c'est ça, ben, quand même. Là. Mais il y a un renouveau, disons, un renouveau. Absolument. Ben, à chaque année, c'est ça, l'Assemblée générale annuelle présente. On ratifie les actes des administrateurs. Donc, il n'y a pas juste eu certains problèmes financiers, aussi une année de bilan à faire, entre autres, l'arrivée de ces quotidiennes-là. Il y a toutes sortes de choses qui ont été posées. Et certains administrateurs, là, pour eux, c'est le temps de céder leur place, dont moi, qui était à mon deuxième mandat et demi, là, parce que je suis arrivé comme le timing n'était pas le même à l'époque. C'était pas des assemblées d'hiver, mais... Donc, je m'enlignais vers une troisième année complète à ce niveau-là. D'autres administrateurs aussi qui ont laissé la place à des gens fort compétents. Je suis très intéressé. Je trouve très intéressant la nouvelle constitution du CA. Des gens qui connaissent la radio. Simon Fitzbé, qui est juste ici. Il y a Maxime Lemieux-Laramé aussi, que vous connaissez. Un autre de nos chroniqueurs. Exactement. Donc, des gens qui ont une vision, qui ont de l'énergie à mettre. Et c'est parfait. Dans ce temps-là, il y a un peu moins de... Il y a toujours une petite incertitude dans une passation des pouvoirs. Donc, ça prend de la continuité, mais ça prend aussi du sang neuf, de l'énergie. Et de la disponibilité, c'est ce qui me manquait. Alors, pour pouvoir faire ce rôle-là, vraiment, il faut le faire à 100%. Sinon, on fait pas notre meilleur devoir. Mm-hmm. C'est vrai. Les gens qui vont vouloir avoir plus d'informations, évidemment, on va en parler à la radio souvent, fréquemment. Aussi dans le journal Zone Campus qui va sortir le prochain numéro. Il va y avoir des articles là-dessus, c'est certain. Certain. Et voilà. Et puis, on te remercie, toi et le reste du CA et le reste de tout le monde qui ont participé au succès de l'Assemblée aujourd'hui, que ce soit les étudiants, ou même des membres de la communauté qui sont venus. Oui, et je vais répéter ce que j'ai dit aussi en fin d'assemblée en terminant mon mandat. Je voulais saluer la qualité, le professionnalisme du travail des employés qui sont vraiment là. Les gens qui sont à la maison ou partout en voiture écoutent une émission de radio, mais c'est vraiment au quotidien. Il n'y a pas juste le studio de la radio, il y a des bureaux, il y a des partenaires à qui contacter. Donc vraiment, on sent une grande maturité dans l'équipe de travail, c'est fou. Où vraiment, même dans des cas plus difficiles, il y a une stabilité, il y a une autonomie de la part des employés qui font en sorte que vraiment cette radio-là a même pas fléchi au niveau de sa qualité, même si pendant ce temps-là, en dehors des ondes, on peut dire que ça brassait beaucoup. Il y a quelque chose d'extrêmement professionnel à ce niveau-là. Je voulais saluer. Ben, merci. Ça te concerne, Mathieu? Ah, t'es fin! Oui, c'est ouais, bon. Je suis d'accord, moi aussi, avec Sébastien. Merci. Et c'est la fête à Mathieu, en plus. Oui, oui, oui. C'est vrai! Hey, bonne fête! Merci. On a de l'aide, en plus, pour y faire la bascule. Là. On en avoir besoin. Toujours autant pas de place dans le studio pour le faire. Par ouais, mais avec les pads. Réchappé. Ah, que c'est beau de voir au moins que la radio va continuer et on attendra d'autres développements dans le futur. Absolument. Et à la maison, toujours la même, à la maison ou en studio, ou en peu importe, nos auditeurs, toujours une possibilité de s'impliquer à la radio, que ce soit le conseil d'administration ou sur les ondes, voir une session d'été, une programmation à remplir. Donc, beaucoup de gens apprécient c'est quoi la radio et beaucoup de gens, à un moment donné, se rendent compte que j'aimerais ça en faire. Ben, c'est toujours possible. Oui. En tout temps, toute l'année, mais particulièrement à chaque début de session, on exactement. Cherche les animateurs. Surtout que les quotidiennes n'auront pas lieu l'été comme elles se font pendant l'automne et l'hiver. Donc, beaucoup de choses à remplir et venez vous proposer. Voilà. Pour les gens que ça intéresse, vous visitez le cfou.ca et c'est très simple pour remplir un formulaire pour avoir votre propre émission ici à CFU. On est situé au pavillon Néré Beauchemin. Si vous voulez même venir déposer un projet en personne à Alain Lefebvre, directeur de la programmation. Et si vous voulez acheter de la pub, donc, vous pouvez le faire aussi. Hein? Vous êtes une compagnie ou je ne sais pas trop quoi. Oui. Oui. Longue vie à CFU. Longue vie et longue vie à toi. Tiens. C'est beau, hein, ça? Merci. Oui. Merci beaucoup, Sébastien. Sébastien Dulude. On tient au courant pour la suite des choses. Voilà. Tout de suite, on s'en va en musique avec Orange Orange et la pièce Montréal à moi. Et dans quelques minutes, on devrait avoir la chronique Police Dead de Simon Fitzboy. D'ici la fin de l'émission, assurément. Là. Bientôt. Je finis de l'écrire. C'est vrai. C'est vrai, genre, on le surveille. Là. Orange Orange, tout de suite. C'est fun d'avoir une webcam juste pour pouvoir suivre son tapage sur l'ordinateur tout le long de l'émission. Me. Feeling slightly more Peut-être pas elle. Peut-être pas. On sait pas. C'est toujours à l'émission Assemblage Reiki en compagnie de Kiwan et Mathieu et Simon Fidibé. Oui, Simon qui est encore là et qui prépare encore une fois sa chronique pour les idéales qui s'en vient tantôt. On jase trop, là, les gars. Là. On plique. Trop de papotage de filles. On n'anime pas une émission sur la périnatalité ici, là. Come on. Non? Non, on est des gars. On parle pas de col mou. Donc, Simon s'en vient tantôt avec sa chronique pour les idéales. Les deux autres sont crampés derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre aujourd'hui à l'émission? On n'a pas grand-chose d'autre, mais quand même, on a de l'humour et de l'humeur à vous offrir jusqu'à 17h. Il a très, très bon humour, en tout cas. Oui, on n'est pas mou. Il n'y a rien à dire de plus. Hein? Voilà. Voilà. C'est la pertinence qu'on vous offre ici. Bon. Pas besoin de s'emporter, pas besoin de voter contre ça. On est content. Oui, on est très content. Ben, c'est ça, on est heureux. On est sur le ben, je ne sais pas jusqu'à dire party. On est sur... Il y a un high. Moi, en tout cas, je suis sur un high. Là, parce que j'ai été stressé de genre 10h à aller jusqu'à 3h l'après-midi. Mais là, ça va. On est stressé depuis novembre, nous autres. Ouais, ben oui, aussi. Là, ouais. Mais je veux dire... En plus, aujourd'hui, vous deux, vous fêtez chacun vos anniversaires. Oui. Mathieu, celui de naissance. Et toi, t'as ton anniversaire d'Irlandais. Un fierté d'Irlandais. T'as vraiment de l'Irlandais en toi. Oui, oui. Peu importe ce que ma famille peut dire. Parce que mon grand-père, lui, pense que Fitzbé, c'est allemand. Mais non. Parce que Fitzbé s'est tiré de l'anglo-normand, qui est une langue irlandaise. Wow! La grande majorité. Tu connais le sujet? Simon, ouais. Simon a de l'irlandais en lui. Eh oui. Oh! Oh! On se calme, Kiwan. Oh, ouais, c'est un fait roulant de blagues. C'est pas moi qui ai commencé les allusions grossières. Il va falloir j'en trouve une pour taper ça. Mais moi, des fois, je suis trop vulgaire dans mes blagues. Ça fonctionnera peut-être pas. Trop vulgaire? Oui, mais vraiment vulgaire dans le sens que c'est pas ça pend tout à la radio. C'est jour de fête aujourd'hui, ça compte pas. C'est ça. On est au-dessus, on peut se permettre. Non, c'est pas vrai du tout. OK, donc, continuons en musique. On va revenir à Simon tantôt parce qu'il est clairement pas prêt. Aïe, aïe. J'aime ça dire ça. Donc, en attendant, la chronique de Simon, on va aller écouter une pièce qui va faire son entrée demain dans le palmarès francophone. C'est la nouvelle pièce de Patrick et les Brutes. Ça s'appelle « J'ai peur de la mort » tout de suite à Assemblage Rocky. Tu me déprimes, par exemple. Tu me déprimes. En parlant de mort? Ouais. Non. Mais regarde les... Regarde les quoi? Photos de Patrick. Ah. Ça aussi fait que 4 mois, c'est long, 4 mois. Ouais. Congé. Un bon congé. Ça, c'était Simon Fitzbé. Et ce que vous entendiez, c'était pas la musique de Simon Fitzbé, non. Non, c'était Plants and Animals avec la pièce de Tom Cruise, un extrait de leur album La La Land qui va sortir le 20 avril prochain. C'est toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées, émission qui ose parler au retour des pièces comme si tout le monde était au courant de ce qu'il disait. Jusqu'à 17h. Donc, Simon Fitzbé est avec nous en studio pour sa chronique Paul is Dead. Ouais, c'est ça. Depuis une heure environ, il est là pour sa chronique Paul is Dead. Et que je termine d'écrire, mais pas encore c'est complètement. Bientôt. Il va te faire peur. À 4h, ça va être fait. J'ai-tu fait peur? Peur de? Ben, en faisant comme si c'était maintenant, j'ai-tu fait peur? Ben oui, un ouais, petit bon. Peu. Mais j'aurais été prêt à y aller, mais tu sais, j'aurais pas eu de musique, puis j'aurais pas eu de conclusion. Ça aurait pas été beau. Tu aurais écrit ton texte pendant que tu parlais. T'es ouais, capable de faire plusieurs choses à la fois. T'es un homme de multiples talents. Ouais, j'ai les deux côtés du cerveau qui se font aller en même temps. Mais contrairement à certaines personnes que je connais, je suis capable aussi de boire en marchant ou mâcher de la gomme en marchant. Tu es capable de taper sur la tête et faire des ronds sur ton ventre? Ah, d'accord. Ouais, je suis wow. capable, mais c'est que j'ai déjà, encore là, je ressors l'ancienne copine, là, mais... Tu parles beaucoup d'elle, je trouve. Ben, j'avais une blonde qui était pas capable de boire une gorgée de... Peu importe, une gorgée d'eau en marchant. Fallait qu'elle arrête de marcher, qu'elle prenne sa gorgée et qu'elle recommence. Wow. Ça, j'avais jamais vu ça de ma vie, mais à ce qui paraît, les gars, nous autres, on fait ça. On n'est pas capable de faire deux choses mais en même temps. Pourquoi qu'on se fait dire, ouais, quand... C'est sûr que la seule chose qu'elle buvait, c'était de la bière dans un pichet, donc c'est pour ça que... Ouais, c'est ça, tu sais, à un moment donné, t'es rendu chaud, t'es pas capable. T'aurais dû acheter un chapeau avec les canettes sur le côté puis des pailles dans la bouche, là, ouais. Ça... Encore, là, je sais pas, ça... Bon, tu peux... C'est le passé, ça, ça... C'est du c'est passé. De la mythologie. Ah! Oh, lien avec la chronique de tantôt. C'est maladroite. Ok, peut-être pas, là. Mais j'essaye de dégaler vos jokes de colmou puis de. Ça, c'est une fois par émission, sinon, ça fait censurer, là, minute, là. Mais non. Non? Tu te réessayes pas? Non. J'aurais essayé de te censurer, ça. Ah ouais? On va attends, y aller. Attends. 3, 2, 1. Colmou. Ouh là là! C'était pas super, c'était pas super. C'est pas pire. Mm-hmm. En tout cas, parlant de mollesse, peut-être que tantôt, je vous raconterai ma journée d'hier. Hey, ça a l'air vraiment bien. Oh, la mollesse hier. Mais pour l'instant, on va écouter un peu de musique, hein, parce que quand même, il y a des gens qui écoutent ça, cette émission-là. On va écouter le groupe Hardbook and the Hatters avec la pièce Kids à Assemblage Requis. Pauvre vous autres qui écoutez cette émission-là. Je voudrais pas être vous autres. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold outside, it's cold outside. Put your scarves in your mittens, cause it's cold outside. It's cold. Not done, 'cause my hands were frozen. My- cause it's cold outside, cause it's cold outside, cause it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's cold outside, it's cold. T'aimes ça, toi, c'est ça? On vient d'entendre Grizzly Bear avec la pièce Two Weeks. On continue les allusions grasses ici dans l'émission. Ben oui. Mais c'est correct parce que c'est la Saint-Patrick. Hey, t'es très titi, oui, c'est l'occasion idéale pour être vulgaire. Non, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Non, mais non. Non. C'est de la bière verte sur mon torse nu. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec une deuxième heure. Avec finalement la chronique de Simon Fitzbé, ça c'est une promesse qu'on vous fait pour la deuxième heure. Ouais, ça c'est sous modification possible, on sait pas, ça devrait être tantôt. Sans préavis requis. Sous, S-A-O-U-L. Ah ouais, ça valait la peine d'ouvrir ton micro pour ça. Hein. Ben, c'est la Saint-Patrick. Oui, mon Saint. Et la Saint-Mathieu. Saint-Mathieu, ah ouais, ah, dire que j'ai le nom d'un apôtre, je suis outré. Ouais. Ouais, c'est tout. À tantôt. Bon retour, c'est la deuxième heure d'assemblage requis. L'émission du retour complètement détachée, vraiment, littéralement, dans ce cas-ci. Hein. Vraiment. J'ai jamais vécu ça. C'est un nouvel événement. Qui crie, qui me demande, qui me veut? Non, c'est des excuses en règle derrière moi. Ah! tout à l'heure, on va avoir Simon Fitzbé, c'est vrai, avec sa chronique pour les Dell. Mais avant ça, on commence en musique cette deuxième heure avec la musique, deuxième fois le même mot, de The Almost. Oui, on va écouter la pièce qui est dans le palmarès anglophone cette semaine. Ça s'appelle le Monster de The Almost. Tout de suite, à Assemblage Requis. C'est pour ça qu'on a fait sauter le titre, le thème, parce que Monster. Ouais, c'est ça. En fait, elle s'appelle Monster, la pièce. Ah, c'est plate de bord. On dit Monster. Monty Python? compagnie, mes meilleurs amis. Oh, je suis joyeux, elles m'ont accepté. Mes cafards sont venus avec mes meilleurs amis. Oh, je les aime dans ma soupe. J'aime ça quand ça gourde. Je les aime dans ma soupe. J'aime ça quand ça gourde. C'était Vlandindan avec la pièce Mes meilleurs amis à Assemblage Requis. Paf dans ta face. Jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Ben, vous êtes à l'émission du retour en pièces détachées. Et on le mentionne, je pense qu'on l'a mentionné un total de 42 fois depuis le début de l'émission. C'était l'habitude avec, avec Philippe Antaya. Hein? Oui, dans le temps. Dans, ouais. On pluguait environ 20 000 fois la chronique pendant l'émission. Finalement, la chronique arrivait à la fin. Puis c'est sûr qu'on l'a fait aujourd'hui. Mais c'est le temps, là, tout de suite, d'accueillir Simon Fidipé. Excusez-moi, les gars. Non, je voulais vous présenter plus de qualité possible, tu sais. Et la qualité, ben on sait, ça prend du temps à construire. C'est un peu l'idée d'Assemblage Requis, hein, que ça va être très, très long et que ce soit bon. Idéalement. Ben, la dernière émission va être géniale. Ah, vraiment, ça va être le top, top, top, top. C'est juste pour ajouter de la pression, parce qu'à ce temps, en plus, je suis sur le CA. Oh, c'est vrai, oh. Monsieur est mon patron, maintenant. Bientôt. Non, je ne vois pas ça comme ça. Non. Je dois souligner, par contre... Avant de commencer, justement, qu'on parlait de ça, je souligne la mention de Sébastien Dulude à la fin de l'Assemblée générale de C'est fou, où président de CA, qui est lui, et le CA général, recommandait donc la candidature de François-Olivier Fecteau comme... Marchand. Je me mélange tout le temps. François-Olivier Marchand en tant que prochain directeur général de C'est fou. On l'approuve tous. Ça serait intéressant. Mm-hmm. Seulement, quand on épouche du CA, ça va assez bien. Ça aide. Ouais. Mm-hmm. Bonjour messieurs, non, on commence par un bonjour. Bonjour. Comme si, tu sais, j'étais pas là depuis 1h10 dans le studio. À squatter. Ben oui. Et donc, dans les dernières semaines, je vous ai parlé de John Lennon et Yoko Ono. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Ouais, c'est le sujet de mes chroniques. En fait, c'est que je voulais vous présenter un peu qui ils étaient avant de vous présenter leur grande histoire d'amour, qu'on appelle un peu partout la balade de John et Yoko. D'ailleurs, il y a un beau livre publié par le Rolling Stone Magazine qui se nommait The Ballad of John and Yoko. J'ai la copie française à la maison et ça m'a aidé justement. En bon historien que je suis, toutes les citations prises du livre sont citées en bas du texte. En bas de page, non. Ouais, peut-être qu'un jour ça va être présenté en quelque part. Je me suis sur un dit. Blog quelconque. Un blog quelconque qui, ben, cet été, je vais peut-être le mettre à jour avec tout ce que j'ai fait, tu sais, juste question d'archiver. Ben, c'est, pour raison d'archivage, moi, j'apprécie, même ben, si c'est en retard. C'est une bonne façon, tu sais, de peut-être l'année prochaine, si quelqu'un veut reprendre une chronique semblable, pourra s'inspirer. Ben oui, copier tes chroniques, lire comme c'était les leurs. Ben oui. Non, peut-être qu'un jour, une maison d'édition voudra t'éditer ton blog. Ah oui. Sur les arbres pour. Ben falloir corriger les fautes, en tout cas. T'es pas en littérature, hein? Non, moi, je fais saigner le monde de littérature. Ils saignent des yeux quand ils lisent mes textes, à ce qui paraît. Anyway. Donc, je viens vous présenter, dans le fond, la finale de ces trois chroniques qui, en fait, portent sur la relation entre John Lennon et Yoko Ono, la balade de John et Yoko. On débute donc en disant que l'amour est quelque chose qu'on peut pas vraiment expliquer. Hein? C'est rare que... peut critiquer l'amour de quelqu'un. Et c'est l'harmonisation du chimique et du psychologique qui apporte l'affection que l'on donne donc à une personne tout au long de la duration de la relation. Belle petite rime ici. Certains amours sont solides par leur base, d'autres le sont par l'harmonisation des goûts et des intérêts et des personnalités, et d'autres amours sont tout simplement difficiles à saisir. L'attachement et, du même fait, l'amour qui unit deux personnes sont donc difficiles à critiquer pour tous, puisqu'à chacun ses goûts et ses envies. Et ça se discute pas habituellement. Non. Et donc, on va voir aujourd'hui un couple légendaire qui a maintenant sa place au sein du club de Select des Amours Intemporels, où sont abonnés Cléopâtre et Alexandre, Sid et Nancy, Kiwan et Mathieu. Et. C'était ma blague. C'était subtil. Ouais. Hein? Et aujourd'hui, nous verrons l'histoire d'amour de John et Yoko. Je me rappelais pas que j'avais écrit cette blague-là. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va être vraiment comme reconnu, Kiwan et Mathieu, c'est comme vraiment un duo. Incroyable. Incroyable. Ben, moi, en tout cas, je voterai pour vous. Uh-huh. Ouais, très cool. Et donc, on commence donc avec John et Yoko, qui sont désormais un couple mythique par leur action, mais également par l'expression de leur amour dans la sphère publique et médiatique. Et ils bénéficiaient beaucoup de ce type donc d'apparition publique pendant ainsi qu'à la fin donc des Beatles à la séparation. Et ils présentent à la fois l'exemple du couple parfait d'activistes radicaux et donc à suivre et à prendre exemple comme modèle. Par contre, comme n'importe quel couple, ils ont connu leur haut et leur bas. Donc en plus de souffrir de la perception générale du public qui était à la fois un bienfait ainsi qu'une malédiction, si on veut. Ouais. Quand même, c'est... Être toujours regardé par le public, ça peut être intéressant, mais à un moment donné, ça tombe sur les nerfs. Et surtout quand tu es en tant que couple, quand les gens épient ta vie de couple parce que les deux sont connus. Ouais, c'est pas trop le fun, là, vraiment. Il y a beaucoup de gens qui perdent la tête un peu avec ça. Et ça se voit un peu dans le monde des célébrités maintenant. Ouais, comme moi et Mathieu. C'est oui, ça. Hey, vous autres, là, les papas radis, il y en a plein déjà dans la fenêtre. Les papas, les mamans, les teen radis sont tous. Oh! Hey, c'est fou. C'est hey, ça qui fait notre réputation. Vous êtes pas vite dans votre tête, vous êtes chanceux. Vite dans notre tête, oui, non, vide. Ah. Avec un T. Ah. Vide, franchement. Je vous mets beaucoup trop sur un piédestal pour dire ça, voyons donc. Et donc, on va d'abord voir l'histoire d'amour historique, la rencontre historique plutôt du couple légendaire, ainsi qu'une réaction, la réaction de l'entourage lorsque ça a été rendu public. Ensuite, on va se concentrer sur les moments plus ou moins glorieux dans les années solo de John Lennon pour finalement voir la réconciliation. Un peu ce que j'ai vu comme les quatre phases de la vie professionnelle de John Lennon également, c'est-à-dire les Beatles, après les Beatles, le Last Weekend, en gros parenthèse, et donc le papa à la maison qui termine un peu sa carrière en général. Il y a vraiment une fin de semaine qui a sa propre phase. Oui, ben en fait, non, c'est une expression, ça a duré 2 ans et quelques, ce Last Weekend, mais en fait, c'est tiré d'une nouvelle qui parlait un peu des mêmes sujets. On va pouvoir en parler un peu plus en profondeur. Si vous voulez plus d'informations, je vous conseille Alain Lefebvre comme référence, qui est beaucoup plus ferré que moi, côté culture, de ce côté-là. Pavillon des Rébauchements et Bureau de C'est Fou. Oui, ouais, et toujours prêt à la conversation, ce cher Alain. C'est ça qui est le fun. On salue d'ailleurs. Oui, grandement. Je l'adore. Et donc, je vous aime beaucoup, vous autres aussi. Là, soyez pas jaloux, par contre. Non. Hein? Par l'amour professionnel, bien sûr. Et donc, parce que là, on va parler vraiment d'amour. Vous avez l'air, tu sais, inconfortable. C'est le fun. Vraiment? Alors. C'est très le fun. Et donc, on commence. Les deux artistes se sont rencontrés le 9 novembre 1966, alors que John donc est invité à l'avant-première de l'exposition de Yoko. Il découvre donc cet art surréaliste qu'on avait parlé, entre autres Yoko Ono, qui avait fait un spectacle sur scène où elle était tout simplement assise sur une chaise et que les gens allaient découper des morceaux de ses vêtements, donc c'est le type d'art qu'elle faisait. Et donc, il prend goût à l'imaginaire de la jeune femme. Et John Lennon explique qu'ils se sont réellement connus lorsqu'il s'est approché d'une planche fixée au mur où on demandait de planter un clou. Il voulait donc planter son clou, mais comme c'était en avant-première, Yoko Ono a refusé, bien sûr, puisque ça scrapait un peu son art. Ben oui. Je veux dire, tu commences déjà à collaborer avant que ça soit fait. Mais donc, on a fini par la convaincre. Et John arrive pour planter son clou. Elle demande 5 shillings. Ça, c'était si tu voulais planter ton clou, fait que tu payes l'équivalent de peut-être 10 cents anglais, 5 shillings. Et John Lennon a dit, ben d'abord, je vais te donner une pièce de 5 shillings imaginaire et je vais planter un clou imaginaire. Oh. Et c'est là que les deux ont connecté, vraiment. Wow! Et en mai 1968, donc alors que sa femme Cynthia, donc il y a déjà pratiquement 2 ans là, que c'est passé, où il y avait des fréquentations sommaires, je ne les ai pas toutes étalées, mais donc John finançait des présentations de Yoko, il se voyait une fois de temps en temps. Et en mai 68, alors que sa femme Cynthia est en Grèce, John invite Yoko à venir chez lui, donc à la maison de campagne. Ils ont travaillé toute la nuit sur les enregistrements donc que John avait fait de pièces surréalistes et électroniques. Électronique de l'époque, là, on s'entend. Et, électrique, c'est pas mal plus ça, analogique, ouais. Comme on aime bien dire aujourd'hui. Donc, ils ont créé Two Virgins à l'aube et ont fait l'amour passionnément par la suite. Et c'est de la façon qu'ils le racontent, les deux. Donc, ils ont travaillé sur des tapes toute la nuit, à l'aube du jour. Ils ont décidé de coucher ensemble. Et c'est alors que débute la balade de John et Yoko, pièce que nous allons aller entendre dès maintenant. Et cet album, Two Virgin, est sorti le 11 novembre de la même année. Mais cette pièce-là, The Ballad of John and Yoko, c'est une pièce des Beatles qui a été enregistrée uniquement avec John et Paul. Donc, c'est les deux seuls qui ont participé à ça. Et c'est drôle que Paul ait participé à cette pièce-là délibérément. Parce qu'on va voir un peu par la suite Yoko avec son interaction avec les Beatles. Quelque chose de quand même... ouais. c'est, on va en parler tantôt, vous allez voir. L'amour était pas là. Moi, pas avec les Beatles, en tout cas, pas avec deux Beatles en particulier. Mm-hmm. Ouais, on va en parler tantôt. Mais là, c'est la balade de Johnny Yoko. C'était la balade de John et Yoko, une pièce des Beatles qui n'a jamais paru sur un album officiel, si on veut, mis à part celui qu'on appelle Hey Jude, qui est paru à la fin de la carrière des Beatles. C'était donc tous les simples radios, ici que simple, qui étaient sortis seulement sur format 45 tours, à l'époque que c'était analogique. Ah, le bon vieux temps! Mais oui! Excusez. Et c'était, le donc dans le cadre de Paul is Dead, dans le cadre d'Assemblage requis. Et le nom de la chronique, en fait, aujourd'hui, la balade de John et Yoko, justement, parce qu'on parle de la relation d'amour de John et de Yoko, non? Une histoire complexe, une histoire longue. Quand même, oui. Résumé en quelques pages et quelques minutes. Donc, j'ai fait de mon possible. Si vous n'êtes pas content, bien, poursuivez-moi. C'est ça. Les bons avocats. Ah oui? Non. Dans ton frigidaire? Ouais, dans mon frigidaire, ouais. Ouais. Et il paraît qu'il faut que ça soit mûr, ça, quand on mange ça. Je sais pas, c'est pas. C'est avec le toucher, tu pèses sur le. Ouais, mais c'est bon, ça, au déjeuner, des avocats. Hein? La première fois que j'ai mangé ça, c'était au déjeuner, c'était très bon. C'est dans de la guacamole que c'est bon, c'est ça? Ouais, aussi. Ouais, ça sert beaucoup à la guacamole. Ma mère a fait une genre de salade aussi avec des avocats. Ah ouais. Ouais. Elle a découvert ça il n'y a pas très longtemps. C'est bien. Ouais, tranche de vie. La semaine prochaine, tu nous amènes la recette, évidemment. OK. Ça va sur ton blog cet été. Il faudrait qu'on fasse... l'année prochaine, si on vient, là, je vais faire une chronique cuisine, je pense. Non, pas vrai. Comment faire un Kraft Dinner? Mais ça peut être très intéressant, une chronique culinaire. Ah, pas avec moi. Non. Une chronique culinaire faux micro-ondes, peut-être. Ouais, genre, moi, le plus vite que ça sort de la boîte, le plus vite que c'est mangé. Sinon, tu sais, des fois, j'ai même pas le cœur de me faire les sandwichs. Plus vite évacuer aussi. Ça, faut boire du thé. Ah, mais, ouais. Ouais, petit inside. Mais si... c'est pas une inside, c'est un outside, en fait, c'est partout. Ouais, un... Ah, oui. Mais c'est ça, moi, des fois, je suis tellement lâche que je me fais pas de sandwich. Je mange du pain, de la moutarde puis de la viande séparée. Ça se blende dedans. En tout cas, mais ça, c'était avant que je participe à une vie de couple active et que c'est ça. Beaucoup trop de détails. Ouais, donc on retombe dans John. Ben, parlant de vie de couple, justement. Et de détails. Oui, et des détails. Ben, on retombe en fait dans la balade de John et Yoko. Donc, je vous avais dit, hein, en fait, il y a deux semaines que Yoko Ono avait une vie adultère quand même assez remplie. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qu'elle trompait... Elle trompait tous ses maris. Et elle revenait toujours enceinte. Et donc, juste avant qu'on parte en musique, on disait que donc John Lennon et Yoko Ono avaient couché ensemble après avoir enregistré Two Virgins, qui est le premier album qu'ils ont fait paraître. Eh bien, encore une fois, c'est arrivé. Yoko Ono donc, ne pouvait pas avoir de liaison sans sortir enceinte. C'est ce qui a alerté en fait Cynthia, la femme de John Lennon, qui demande le divorce. Et malheureusement, Yoko a perdu l'enfant qu'il devait appeler John Ono Lennon II. Donc Michael Jackson n'est pas le seul à aller chercher des noms du style Prince, Michael et des choses comme ça. Et donc, peu de temps plus tard, elle a perdu l'enfant malheureusement. Et pendant tout ce temps-là, à l'hôpital, John a été à ses côtés jour et nuit, ce qui a finalisé un peu la publicité de leur relation, ce qui a rendu vraiment public, là, ce qui couchait à l'hôpital, il était là toute la journée vraiment à ses côtés, il sortait pas de l'hôpital pantoute. Mais anyway, il pouvait pas vraiment parce qu'il y avait des milliers de journalistes un peu autour. Et donc, lorsque les Beatles entrent en studio pour enregistrer l'album Blanc, qui est l'album suivant leur relation, leur rencontre, donc John Lennon, bien sûr, n'amène pas Yoko Ono en tant qu'invité, mais comme une collaboratrice à part entière. C'est le début donc de l'amour de John et Yoko qui rencontre la fin des Beatles. Et ne vous y méprenez pas. Je n'insinue pas ici que Yoko met fin à l'aventure Beatlesque de Lennon et McCartney, mais elle est un ingrédient et ça, c'est évident. Paul McCartney et George Harrison ne sont pas très charmés de l'entrée de Yoko Ono dans leur club exclusif. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit « Oh no, oh, she doesn't! No, » no. Oui. Et non seulement Paul prend-il le plus mal, mais il met également son grain de sel pour agrimenter la tension. Lorsque Yoko parle à la fin des enregistrements ou lorsqu'elle tente de s'immiscer dans les conversations, Paul regarde les autres en disant « George, est-ce que tu as dit quelque chose? Y a-t-il une mouche dans le studio? » Accent anglais c'était manqué. Beau. Ouais. Oui. Mais donc, il disait tout simplement, est-ce que vous avez dit quelque chose, les gars? J'ai rien compris, en ignorant complètement J'ai Yoko. J'ai une banane dans l'oreille, comme ils disent. Ouais. Et donc, d'autres fois, c'est Yoko qui semble vouloir irriter Paul en disant « Beatles devrait faire ci, puis Beatles devrait faire ça ». Et donc, Paul lui répondait « C'est les Beatles, chérie ». Et en anglais, c'était « The Beatles, honey ». Et c'était vraiment là, quelque chose qui irritait beaucoup Paul McCartney. Mm-hmm. Et le tout se continue à s'envenimer, donc pendant les enregistrements de Let It Be, au début de l'année 1969. Selon Lennon, Paul les avait invités à entendre une nouvelle chanson de son cru. Il chantait les paroles de « Get Back » en regardant directement Yoko dans les yeux. Donc « Get Back », c'est-à-dire « Reviens » ou « Va-t'en », tout simplement. Mm-hmm. Pour lui, c'était vraiment quelque chose de très grave. Et donc, dans une entrevue, John se rappelle également pour la première fois que Paul lui a fait entendre Hey Jude. Il comprenait que son ami le laissait partir, donc et qu'il le laissait quitter les Beatles. Et donc, il disait « You can go and get her. Tu peux tout simplement aller la chercher. Donc, bon amour avec elle et tout. » Il a dit « Tu peux t'en aller des Beatles. On va s'occuper, on va s'en arranger sans toi. » Et je vous avais parlé également dans une autre chronique avant d'Alan Klein, hein, qui a repris un peu les affaires des Beatles, qui les a un peu menés à sa perte. Donc, il arrive dans le décor, il rajoute la dernière plaie, c'est-à-dire la poursuite judiciaire qui met fin aux Beatles. Et donc, John est maintenant libéré de ses fardeaux qu'il croyait tenir sur ses épaules et il peut faire ce qu'il veut. Il débute alors une série d'actions politiques pour promouvoir l'amour aux côtés de sa compagne. Ils font des conférences de presse dans des sacs, envoient des glands aux leaders mondiaux. Il reste donc couché aussi des jours durant. Il rencontre même le premier ministre, Pierre-Éliott Trudeau, grand homme politique de la paix, hein, n'est-ce pas, lors d'un voyage au Canada. En fait, c'est tout simplement parce qu'il voulait rencontrer un leader politique et ça, comme... Bof. Et donc, ouais, c'est ça. Et il débute en 1970 en se rasant les cheveux, en les envoyant à Malcolm X pour montrer leur soutien à la lutte des Noirs. Et c'est l'an 1 de la paix, avec cette action. Un an plus tard, ils enlèvent Kyoko, la jeune fille de Yoko, pour laquelle ils se battent afin d'avoir la garde. Donc, c'est l'an 1 de la paix. Et ensuite, il leur dit à fermer... Ah, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé une fois, là. Eh ben. Pendant que t'es là. Ouais, c'est ça, il va falloir que je m'en aille m'occuper de ça. Ben non, mais gars, c'est pas très très grave. On peut continuer avec le tout. Et donc, c'est ça, ils envoient leurs cheveux, capturent Kyoko, la jeune fille de Yoko. Et c'est à la même époque que John enregistre Imagine et qu'il se lie également avec les activistes américains, puisqu'ils ont déménagé également à New York avec un visa de 6 mois. En fait, Yoko était déjà habitante, elle avait sa elle pouvait habiter aux États-Unis. Ouais, c'est ça, elle avait sa citoyenneté. John ne l'avait pas, il a eu 6 mois donc pour pouvoir aller travailler là-bas. Et après cette période-là, commence le bras de fer entre John Lennon et Nixon, Richard Nixon, bien sûr. L'un veut rester et l'autre veut jeter celui qu'il perçoit comme un activiste radical hors de son pays. Donc, Richard Nixon ne voulait rien savoir de John Lennon parce que John Lennon parlait pour la paix. Et oui. Et justement, pour montrer un peu la haine qu'avait Paul McCartney envers John Lennon, je sais pas si on peut aller en musique. Kiwan, penses-tu? Est-ce qu'on est rendu là? Ça devrait pas être long, là. Okay. Bon, c'est bon, ben on peut parler de ça d'abord. Sur l'album Ram de Paul McCartney de 1971-72, je vous en avais déjà parlé lorsque je parlais de John Lennon versus Paul McCartney, là, et il s'aimait pas beaucoup. Il y avait eu 2 pièces qui avaient irrité pas mal John Lennon sur cet album Ram de Paul. Entre autres, la pièce Too Many People, qui, en fait, parlait un peu de John et Yoko, qui disait donc... beaucoup trop de personnes disent qu'il faut faire ci, faire ça, comme John faisait avec leur activisme et tout ça. Mais c'est plus une pièce vraiment très intéressante au niveau harmonique, au niveau donc la mélodie de la pièce également, qui est vraiment géniale. C'est la pièce Dear Boy de Paul McCartney que je vais vous présenter aujourd'hui, en fait, qui vise un peu John Lennon dans un certain sens. Il dit « t'aurais pas dû partir du groupe, nanana, en laissant ta femme aussi ». On le voit un peu dans le second... j'essaie de trouver le terme, là... second niveau de la pièce, okay. Voilà. Entre les lignes. Si oui, entre les lignes, c'est ça. Est-ce qu'on peut aller entendre donc dès maintenant? Mais certainement. Cool. Donc, c'est la chronique Paul is Dead dans le cadre d'Assemblage Requis. On parle de la balade de John et Yoko aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est très beau. Les harmonies sont débiles. À l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan, Mathieu et Simon Fitzbé, parce qu'on est dans la chronique Paul is Dead présentement. Version acoustique même. Yeah. Ouais. Là, j'ai ma petite guitare. Ah, mais plus besoin. Bah, Ben, écoute, on t'avait amené ta guitare dans ta poche. Oui. Oh, t'as un bon accent français. Merci. Tu feras un bon président. Président de... Ah, OK, je viens de comprendre. De la République. Ben, c'est ça, la République écutérienne. Oui. Donc, Simon, on parle de John Lennon et Yoko Ono. Eh oui, et donc, dans la première partie de cette chronique qui n'arrête pas de se continuer tout le temps. Ben oui, c'est sans fin, tout ça. Oui, on parlait donc de John Lennon, en fait, qui a rencontré Yoko Ono dans une exposition d'art, qui, par la suite, ont enregistré un album et ont fait l'amour le lendemain matin. D'ailleurs, la pochette de cet album-là, Two Virgins, eh bien, c'est John et Yoko, tout nus. Avec rien pour les censurer, on peut voir la longueur de John et la pendeur de Yoko. Ouais. Ça, de nos jours, Walmart aurait retiré ça des tablettes assez vite. Hein. Ben, en fait, ils ont fait une édition avec aussi qu'ils rajoutaient un gros morceau de carton sur le CD, probablement sur le vinyle aussi, pour cacher le tout, parce que c'est pas très, très joli. Ben non. Hein, donc, c'est une bonne façon de... C'est obscène. Ouais, quand même. Ben oui. Mais ça reste pas une belle pochette. Mais quand même intéressant pour le côté artistique de ça. Parce que c'était un peu comme les présenter au public, dire on est ensemble. Mm-hmm. On a tout nu sa pochette. On s'est vu tout nu aussi. voilà. Ah, j'ai vu son jeu. Oui. Ouais. Et donc, on était rendu à peu près lorsque John, en fait, a quitté la Grande-Bretagne pour s'en aller à New York. Il va enregistrer Imagine. C'est rendu un grand activiste. On a entendu les pièces, la balade de John et Yoko au début, ainsi que la pièce Dear Boy de Paul McCartney pour montrer un peu son... J'étais pas content que John soit parti. Et maintenant, on est rendu en 1973, alors que John Lennon quitte Yoko. Eh oui, donc la grande histoire d'amour prend fin temporairement après avoir enregistré Mind Games, une pièce dans laquelle il réitère son amour à elle, mais il s'avoue également dans une grande confusion. Il tombe en amour avec May Pang, l'assistante de Yoko, qui est également asiatique par son nom, vous en avez douté. Donc, c'est sa femme, même Yoko, qui lui conseille de partir avec son assistante. Il s'exile donc à Los Angeles avec Phil Spector et Keith Moon. En fait, c'est pas tout le long avec eux autres, mais ils ont rencontré là-bas. Et pendant une période qu'on appelle Last Weekend, pendant cette période de 2 ans, donc il fait la fête et se perd dans les brumes. Il appelle fréquemment Yoko pour lui demander de revenir à la maison, mais elle lui disait alors « Tu n'es pas prêt à rentrer, reste et attends mes nouvelles. » Donc un petit peu contrôlant parce que vraiment il attendait le coup de fil pour pouvoir revenir. Et il revient seul à New York et s'installe pour enregistrer Walls and Bridges, un album profond et bien ficelé donc c'était à peu près à fin 74, début 75. Donc il est parti pendant 2 ans et quelques, là, vraiment sur une balloune, si on veut en bon français. Il a enregistré également l'album Rock and Roll. Et lorsqu'on parlait de la folie de Phil Spector, là, il était parti avec les enregistrements de cet album-là pendant qu'il enregistrait Rock and Roll. Il avait tiré dans les airs, il menaçait John Lennon d'un arme et il est parti donc avec les enregistrements. Et donc, John revient seul, bien sûr, enregistre Walls and Bridges et revient auprès de Yoko le 10 mars 1975. Il ira également présenter un prix aux Grammy Awards le même jour pour faire deux pieds en un coup. Dans le fond, dire qu'il était revenu avec Yoko et dire aussi qu'il était rendu sobre et qu'il allait bien. Parce que John Lennon est reconnu, entre autres, pour ses problèmes d'héroïne, ses problèmes d'alcool, ses problèmes avec diverses drogues, en fait. Et pour bien terminer l'année également, John gagne sa cause contre l'immigration. Ça faisait déjà 4 ans qu'il se battait pour rester aux États-Unis. Il pouvait pas sortir du pays, dans le fond, parce qu'il était rendu immigrant illégal, parce qu'il n'y avait plus de visa. Et donc, il gagne en cour d'appel le 7 octobre. Et Sean Lennon vient au monde le 9 octobre, 2 jours plus tard, dans le fond, le 9 octobre 1975, le jour de l'anniversaire de John Lennon. C'est incroyable. Ah. Et pour célébrer un peu le tout, on va aller entendre une pièce qui se retrouve sur Walls and Bridges. C'est une pièce qui se nomme Number 9 Dream. Et on est dans la numérologie. Number 9 Dream. Journée, date de fête de John Lennon, 9 octobre. Date de naissance de Sean Lennon, 9 octobre. Et la fête à Mathieu Plante, le 17 mars. Numérologie. Et ma chanson préférée, Mambo Number 5. Oh, Number... Oh, non, du tout. Non? T'es sûr? Sûr. Ah, OK. On parle en entendre ça. très plaisant. Pas que du sympathisme. Ouais, ouais quand même, ouais, mais il a l'air heureux, ce gars-là. On parle de quelqu'un. Pas de John Lennon. Non, ben John Lennon également était très heureux. En fait, il nous a produit Walls and Bridges, album de 1975, dont cette pièce, Number 9 Dream, est tirée, pièce qu'on vient d'entendre, puisqu'on parle de John et Yoko aujourd'hui. John revenait de son Lost Weekend, a enregistré cet album-là seul, sans l'aide de Yoko, avec bien sûr ses amis autour de lui. Et ça a été un de ses meilleurs albums de tous les temps, Walls and Bridges. Et cette pièce-là, que je détestais avant Number 9 Dream, jusqu'à temps que je m'attarde à l'écouter comme faux, et c'est très bon finalement, je la trouve excellente. Et donc ça veut marquer la fin de son Lost Weekend que je faisais jouer cette pièce-là, bien sûr. Et donc Sean venait de naître lorsque John est revenu avec Yoko. Il est né le 9 octobre 1975, oui. Il a célébré récemment son 34e anniversaire. Il va avoir 35 ans cette année. Le 9 octobre de cette année. Et pratiquement frère, parce que moi je suis né le 15 octobre, mais 10 Name ans plus dropper, tard, genre, je suis chose. Presque le frère de Sean. Ben oui, moi et Sean, il n'y a pas de trop de distance. Non, mais. Donc, Sean venait de naître le 9 octobre, et c'est le début donc de la quatrième phase de la vie de John Lennon, c'est-à-dire celle du père au foyer. Il a été, la première étant celle avec les Beatles, la seconde c'est l'activisme et sa carrière solo, le début de sa carrière solo, la troisième c'est celle du Lost Weekend qui venait de se terminer, et donc John se retire de la vie publique pour élever Sean, le plus jeune de ses deux enfants, parce qu'il avait eu Julian lorsqu'il était marié à sa femme Cynthia, et donc il est maintenant permanent au Dakota, il reste à la maison à tous les jours, et c'est Yoko qui gère les intérêts du couple en investissant dans l'achat de vaches laitières. Elle met également le couple au régime avec de la tisane, des choses comme ça. Tu as parlé tantôt que ça aidait à la digestion. C'est le oui, thé, je pense. Hein. Oui, le thé aide à la digestion. La ouais. régularité, oui. Ouais. Ouais, c'est régularité. Thé. Oh! Hein? Métamucil. Mathieu Plante, sors de mon corps. OK. Oh, OK, non, c'est vrai. Plaisir. J'y repense, puis finalement, on retire ça. Hey, c'est fou, on est tordus, les gars, aujourd'hui. Ça commence à être long, tout ça. Moi, non, c'est long, mais justement, lorsqu'il dit qu'il s'est retiré de la vie publique, on comprend que ses apparitions, donc, étaient très réduites. On le voyait pratiquement plus nulle part, plus à la TV, plus dans les journaux. Il a fait quelques apparitions pendant des concerts, mais il faisait plus de musique non plus, il enregistrait pas. Pense une pièce pendant cette période-là. Il accorde son dernière entrevue à Playboy en 1980. Il venait de réenregistrer, ben, plutôt de retourner en studio pour enregistrer l'album Double Fantasy qui allait être son dernier album, malheureusement, puisque le 8 décembre 1980, alors qu'il revient d'une entrevue et d'une série de photos pour le Rolling Stone magazine, John Lennon est tiré 4 fois dans le dos par Mark David Chapman, un fan qui s'était fait autographier une copie de Double Fantasy quelques heures auparavant devant l'hôtel Dakota. D'ailleurs, il y a une photo de John Lennon qui signe l'album devant le gars qui va le tirer dans le dos quelques temps après. Ouais, le gars était fou. Deux jours auparavant, il avait dit à un de ses amis qu'il se sentait pas en sûreté dans l'édifice et dans New York, donc dans le Dakota, mais dans la ville en général, il se sentait plus safe. Et également, c'est drôle parce que John Lennon, lorsqu'il était Beatles, en 1964-65, on lui avait demandé « Comment tu penses que tu vas mourir, John Lennon? » Il avait répondu en entrevue « Ben, je crois qu'il va y avoir un fou qui va me tirer dessus. » Et c'est vraiment enregistré ou sur papier. En tout cas, il y a une entrevue où c'est qu'il dit vraiment ça. Ben, là. Voyons donc. C'est fou raide, c'est arrivé. Je pense pas, par contre, que son assassin avait pensé qu'il allait être ce gars-là. Il dit, il a dit ça, fait que je vais le faire. Mais, il fait une entrevue dans le temps qui disait demande... quand même, c'est spécial. Je demande, déjà, en entrevue, demander comment tu penses mourir, toi, Mathieu Plante. Je pense qu'on pourrait arrêter de demander cette question-là aux gens. Ouais, peut-être, c'est ordinaire, tu sais. Ouais. Mais tu sais, les Beatles étaient tellement grands, mais oui, que tu avais fait le tour des questions à leur poser à un moment donné, quand ils sont rendus à leur 15e entrevue de la journée. Pas une raison pour se rendre jusqu'à la question « Comment tu penses mourir? » Non, je sais. Mais John Lennon, par contre, était comme ça. Lui, il aimait ça. Provoquer également, donc faire le fou un peu. Probablement, c'est une question qu'il voulait se faire poser. Ah oui. Ouais, c'était que demander aux journalistes de le poser. Ça se peut. Ben, c'est très possible. Mmh. Ça se peut très bien. Et donc, ce qu'on pense que l'on veut de tout ça, la balade de John et Yoko a marqué l'histoire de la musique ainsi que l'histoire des couples qui sont intemporels et qui influencent à la mythologie du rock'n'roll au point de créer des icônes. Nous devrions admirer ce couple qui, en plus d'avoir marqué l'imaginaire de notre époque contemporaine, fait rêver plusieurs jeunes amants. Peu importe ce que Paul McCartney peut bien en penser. Et moi, j'aime bien Yoko maintenant. Mais comme on disait ce matin avec Alain Lefebvre, C'est un peu opportuniste, mais quand même, elle a aidé à faire éclore la carrière de John Lennon. C'est pas parce qu'elle chantait mal. Hey, elle chantait tellement mal. Ouais. Je vous conseille pas son album Season of the Glass. T'as pas amené d'extrait d'ailleurs. Non, pas de ça. Mais d'ailleurs, Double Fantasy également, qui est un album mi-John, mi-Yoko, parce qu'il y a des pièces enregistrées et chantées par Yoko Ono. C'est pas très, très bon. Et elle a fait paraître un album quelques années plus tard qui vaut la peine seulement pour la pochette, puisque la pochette de Season of the Glass est une photo qui a été prise vis-à-vis une fenêtre du Dakota, où il y a un verre d'eau à moitié rempli, à moitié plein, à moitié vide, et les lunettes ensanglantées de John Lennon, et c'est son sang vraiment, elle n'a jamais lavé les lunettes. C'est la photo de la pochette de l'album. L'album est vraiment pas très bon, mais il y a par contre Sean Lennon qui a enregistré, mais en fait c'est Yoko qui pose des questions à son fils, et donc un bel enregistrement, il y avait peut-être 5-6 ans dans ce temps-là, c'est vraiment très très cute. Il parle de son père, donc il lui chante la nuit grâce à des enregistrements, donc des pièces, entre autres la pièce Beautiful Boy, qui est dirigée directement vers Sean sur Double Fantasy. C'est très très bon, je vous conseille de l'écouter. Mais justement, parlant de Sean, eh bien, j'ai décidé de terminer cette entrevue, montrer un peu qu'est-ce qui est arrivé avec la descendance de Lennon. Malheureusement, j'ai pas d'exemple de ce que Julian a pu faire, mais j'ai un exemple de ce que Sean a fait il y a pas si longtemps avec son nouveau projet, son duo avec sa copine Charlotte Kemp. Je trippe bien raide cette tune-là depuis que j'ai entendu ça en fin de semaine. C'est tout récent. Voici donc Ghost of Sabertooth Tiger. Ça, c'est le nom du groupe. Ouais, le nom du groupe, vraiment pas très plaisant. Et le nom de la pièce, c'est Rainbow and Gasoline. C'est bien ça? Rainbow in Gasoline. Rainbow's donc, arc-en-ciel dans l'essence. Voilà, donc on écoute ça tout de suite. C'est Assemblage requis dans le cadre de la chronique Police Dead. Sleep. Donc, c'était Rainbows in Gasoline. Du groupe Ghost in Saber-Toothed Tiger Ghost. Ghost of a Saber-Toothed Tiger Ghost Saber. Oui, c'est le projet de Sean Lennon et sa copine Charlotte Camp, qui est une ancienne playmate qui fait de la musique et qui, mais quand même, a l'air pas bimbo pour une. Ça a l'air quand même brillante pour une playmate. Googlez-la, tu sais. Ouais. Ben oui, googlez-la, parce que les photos qui tombent sur Google sont très, très correctes. Potables, hein? Adéquates, ouais, ouais. Je dirais. Et très jolies. Oui, adéquates. Un peu comme l'émission d'aujourd'hui, qui a bien été, mm-hmm. Somme toute. C'est, ça fait l'affaire. Oui, Simon est là, toujours avec du bon contenu. Ben ouais, ça a été moyen. Non, c'est parfait. Ben les interventions entre le texte n'étaient pas nécessairement débiles, mais une autre fois. On n'est pas nécessairement débiles, nous non plus. Mais on te remercie, Simon. Ça va être tout pour ta chronique d'aujourd'hui. On te retrouve mercredi prochain, évidemment, dans l'Assemblage requis. Oui. T'anime aussi On s'appelle et on déjeune de 7h à 9h du lundi au jeudi. Oui. Et ton émission Crowd Rock est lundi à 18h. Oui. Et puis Album Classique est le vendredi matin à 11-10h. Oui. 11-10h, c'est quoi là? 10h. Ouais. 10h. Et puis c'est à peu près ça, je pense, c'est tout. Dîner de con. Demain midi. Ben, tous les jeudis midi, en fait, on présente l'intégrale des carreaux d'app. Oui, prends en soin de ta chronique dans le dîner de con. Ouais. Jeudi. Et j'imagine qu'on peut aussi trouver Simon dans un pub quelconque en train de célébrer la Saint-Patrick ce soir. Ouais, ben, je vais peut-être être chez moi, mais je vais célébrer quand même. Ouais. C'est le temps, là. Les gars, vous avez été tannant toute l'émission, là, parce que vous aviez hâte d'aller fêter vos fêtes. Là. C'est là, c'est tout de suite. Ouais, bonne fête, Mathieu. Hein? Ben, bonne fête aussi. Nos peuples ont été tellement bafoués pendant la famine des patates. Vos peuples, c'est les Irlandais et les plantes. Les plantes. Bien sûr. Kiwan, on se retrouve demain. Oui, demain à 15h pour une autre émission L'Assemblage requis avec une capsule de vidéo dans la question. Toute nouvelle, oui. Gagné aussi qui va être là. Oui, moi, je vais vous laisser tranquille demain, je ne serai pas là. Merci, Simon, de nous éviter ce calvaire. Moi, je vais vous retrouver à 13h, un petit peu plus tôt qu'Assemblage requis pour animer les palmarès, c'est fou. Version francophone demain à 13h. Sur nos ondes, restez là parce que ça va être Kiwan qui va rester avec vous pour la porte à gauche. Oui, ça va être suivi de En attendant avec Émilie Adam. Bonne soirée. Oh, volte-face à 19h. CTR à 23h. Ça fait le tour de la grille horaire, je pense. Hein? On va se laisser tout de suite avec une pièce de Dumas. Bon. Bye, Mathieu. On finit ça relax. Bye, Kiwan. Bye, Simon. Bye, Mathieu, Kiwan. Bye. Bye, Simon. Bye, Kiwan. Bye, les enfants. Bye. Bye, les enfants, tu sais. Les bricoleurs, qu'on les appelle. Les marteleurs. Les gens qui l'assemblage requis, c'est comme les jeux de mots avec assemblage requis, comme tac, tac, tac, tac, zig, zig, zig, zig. Ça peut faire d'un zip comme ici, là. Zig, zig, zig. Quand on coupe, Mathieu.